Rebonsoir, Hélène Faux. Bonsoir. Alors donc, à nouveau, merci pour votre présence en cette nuit spéciale Germaine Beaumont sur France Culture. En fait, une nuit spéciale Germaine Beaumont, où n'importe quelle émission consacrée à Germaine Beaumont n'aurait pas pu avoir lieu sans vous, Hélène Faux, puisque vous êtes, vous préfacez, vous faites les postface, vous faites la chronologie, vous faites peut-être l'édition des albums, enfin chez Omnibus, tout ce qui a été réédité, des quelques romans, alors sous le titre Des Maisons des Mystères, c'est La Harpe Irlandaise, Les Clés et Agnès de Rien, qu'on a pu entendre en adaptation radiophonique tout à l'heure, sous le titre Des Familles, Des Secrets, Du Côté d'où viendra le jour, La Roue d'Infortune et L'Enfant du Lendemain, là ce sont des nouvelles. On peut citer aussi Si je devais, alors là c'est c'est les fameux disques. Enfin, fameux, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler, parce que vous avez cité tout à l'heure Georges Charansol. Et donc ça, il est très associé à un journal très connu. Oui, Les Nouvelles Littéraires. Les Nouvelles Littéraires. C'est lui qui a fait venir Germaine Beaumont aux Nouvelles Littéraires. Je ne crois pas que ce soit lui qui ait fait venir Germaine Beaumont. C'est Colette dont on a parlé. Non, en fait, alors que Germaine Beaumont était secrétaire de Colette au matin, Martin Dugard et Jacques Guen sont venus présenter la maquette toute neuve des Nouvelles Littéraires. Et Germaine Beaumont était extrêmement intéressée par ces deux jeunes gens qui se lançaient dans un nouveau journal. Et très vite, elle a été associée au journal où elle a d'abord tenu une rubrique dans les pages féminines qui s'intitulait « Miroir », qui était en fait une chronique de mode, puisque Germaine Beaumont s'est aussi beaucoup intéressée à la mode. Et très vite, elle a tenu cette petite chronique qui s'appelait « Disque ». Qu'elle a tenu très longtemps, puisque ça s'est arrêté à la fin des années 70. 40 ans hein, voilà. De journalisme. Mais en 1927, a été publié un recueil aux éditions du Tambourin, très joliment mis en page, qui a réuni un certain nombre de ses chroniques, à laquelle on a ajouté une autre chronique aux dilettantes, celle qui s'intitule « Si je devais », et qui a donné son titre au recueil, à ce nouveau recueil. On vient d'entendre donc la première partie des entretiens accordés à Roger Vrigny en 1964. Plus tard, on en écoutera la deuxième partie, évidemment, en cette fin de nuit. Elle dit, Germaine Beaumont, Roger Vrigny, je resterai toujours très jeune. Je regarde l'avenir avec des yeux de jeune. J'ai appris le métier, mais pas complètement. Le jour où je saurai tout faire très bien, je n'aurai plus qu'à mourir. On m'élèvera un tombeau superbe avec une statue dessus. C'est vous qui élevez la statue oui. et le tombeau, Hélène Faux. J'ai cette charge, oui. oui, je pense que c'est un des éléments qui caractérise Germaine Beaumont et qui, moi, m'a beaucoup touchée en elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est resté incroyablement curieux jusqu'à la fin de sa vie. C'est sans doute même ce qu'il a fait vivre quand elle était encore une très, très vieille dame. Elle restait à l'affût de tout. Avec des avis très tranchés et souvent très décalés par rapport aux événements de son temps. Je pense par exemple aux années 70, les premiers mouvements féministes. On associe très souvent Colette au féminisme. Bon, je pense que Colette, comme Annie Depeyne d'ailleurs, ont été féministes à leur insu, sans aucune conscience collective et sans aucune volonté de faire évoluer à elle toute seule la situation des femmes. Annie Depeyne étant la mère de Germaine Beaumont. La mère de Germaine Beaumont qui a donc fui son milieu familial pour se lancer dans le monde de la presse et des lettres. Et je pense que Germaine Beaumont est intéressante en cela qu'elle est au carrefour de cette génération-là et de ce qu'elle a rencontré en Angleterre, des féministes anglaises qui, elles, revendiquaient au contraire la spécificité de leur féminité et non pas l'égalité strictement. Donc, sur ce point-là, par exemple, sur les événements des années 70, elle a un regard qui est extrêmement décalé. On ne s'attend pas du tout à lire sous la plume de Germaine Beaumont, quand on ne la connaît pas, qu'elle est finalement, qu'elle prend les mouvements féministes pour un effet de mode et que ça passera et que les femmes qui ont voulu se libérer l'ont toujours fait. Vous voyez, sur plein de choses, elle a ce regard d'une vivacité incroyable, quoi. qui est très étonnant. Oui, mais c'est vrai qu'en 1975, l'année de la femme, elle est un peu moqueuse. Oui. Et puis, les femmes qui ont voulu se libérer l'ont toujours fait, mais encore faut-il le pouvoir. C'est oui. gentil de vouloir, mais... Oui. Après, dans une autre chronique un peu plus ancienne, elle explique que la femme moderne a troqué son corset pour un corset tout à fait invisible, mais qui l'entrave tout autant et contre lequel elle ne peut pas lutter, qui en fait sa condition. En fin de compte, elle se retrouve salariée, femme au foyer en même temps, puisqu'elle continue à assumer la charge des enfants et de tout ce qui fait vivre une maison. Donc vous voyez, elle a un regard qui n'est pas aussi tranché que celui auquel on pourrait s'attendre, qui est beaucoup plus subtil en fait. Le conseil de Germaine Beaumont, écrivaine ou femme de journaux, ce serait plutôt ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants. Absolument. Écrivez, mais enfin tout le monde ne veut pas écrire, mais en tout cas soyez libre, vivez seul. En tout cas, ayez votre chambre à vous. Voilà. Et c'est là qu'elle rejoint totalement Virginia Woolf. Effectivement, une chambre à soi, c'est l'éloge de la femme seule qui fait ce qu'elle a à faire et qui n'a pas en charge une famille, un mari et tout ce qui s'ensuit. Oui, donc, mais pour autant, elle n'a donné aucun roman mettant en scène des femmes seules ou ayant choisi la solitude qui magnifie, en tout cas qui donnerait une image excessivement joyeuse, heureuse, positive de cette solitude. Elle n'a donné aucun roman qui magnifie cette femme seule, mais je pense qu'elle ne le fait pas parce que tout simplement, c'est une condition qui, à l'époque, est difficile à porter. Enfin, je veux dire, le parcours de Germaine Beaumont elle-même montre bien à quel point être une femme de lettres au XXe siècle était encore quelque chose de compliqué. Germaine Beaumont finit sa vie en demandant la bourse d'Élie à la SGDL parce qu'elle n'a pas de sécurité sociale et qu'elle n'a pas les moyens de régler ses frais d'hospitalisation. C'est une très, très vieille dame, on sent bien que la vie n'a pas toujours été des plus simples. Donc elle a payé le prix fort, cette liberté, pour autant elle n'y renonce pas. Je pense que ces femmes étaient des femmes très entières qui n'étaient pas dans le compromis. Donc Colette, au détour d'une de ses lettres, dit à Germaine Beaumont, qui est éperdument amoureuse à l'époque, je crois, de Pierre Imbourg, l'homme que tu aimeras le mieux sera celui à qui tu mentiras le mieux également. Vous voyez, on est dans quelque chose où la liberté n'a pas de prix, quoi. Dans Agnès de Rien, dans le roman en tout cas, Germaine Beaumont écrit, parle de la tragédie de cette famille assez épouvantable. Leur tragédie en vase clos comportait une part de poésie. C'était comme une histoire qu'on aurait lue dans un livre un soir d'hiver. Alors ça, c'est vrai qu'elle nous met... On a toujours un peu l'impression d'être, dans le meilleur des cas, à côté d'un feu, comme ça, de lire un roman où le vent est glacé, les amours sont épouvantables, n'ont aucun avenir, les relations humaines sont plus que glacées, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas... Alors, on est un petit peu dans la littérature anglaise qui a tant plu à Germaine Beaumont. Vous nous l'avez dit, Hélène Faux, dans la première partie de sa vie, assez jeune, elle est partie pour 3 mois en Angleterre, il y a passé 10 ans. Là, elle a lu énormément de romans victoriens, voilà, et qu'elle a traduit, même elle voulait les traduire en français mais il n'y a pas eu de suite, mais en tout cas elle a appris, elle dit aussi, elle parle de la traduction qui lui a beaucoup servi pour l'écriture. Oui, elle les a traduits aussi pour elle-même en fait. Elle était une passionnée de la langue anglaise et je pense que d'ailleurs ça a beaucoup enrichi certainement ses qualités littéraires, et elle baignait comme ça, elle recherchait cet univers un peu victorien, très, très paradoxal, à la fois un univers feutré, de grandes maisons, de feux de cheminée, et en même temps un univers dans lequel tout se passe, et tout se passe de manière assez torturée, compliquée, enfin, les relations familiales, tous les nœuds familiaux sont quand même son sujet de prédilection. Mmh. Les interactions entre les mères, les filles, les maris, les femmes, les hommes ne sont pas très à leur avantage dans l'œuvre de Germaine Beaumont, pas très à leur avantage non plus dans l'œuvre de Colette, remarquez, mais pas sur le même plan. Et elle adore ça, elle baigne là-dedans. C'est vraiment cet univers feutré dans lequel on ne dit rien à haute voix, mais tout se passe en souterrain. C'est vrai qu'elle... c'est Colette qui dit vraiment que la période des années 40, donc les romans publiés chez Plon, sont un peu des romans policiers sans policiers. C'est Colette et aussi Martin Dugard qui le dit, qui dit que ce sont des romans policiers Maurice, poétiques. Alors, Martin Dugas. Oui. Qui dit que ce sont des romans policiers poétiques, c'est-à-dire qu'on a une trame qui ressemble à un roman policier, mais qui en fait ne débouche pas du tout ni sur une enquête, ni sur la résolution d'une énigme. Simplement, il y a une ambiance. Il y a vraiment une ambiance. Mais alors, cette ambiance est très, très particulière parce qu'elle est en même temps très poétique, effectivement, par des qualités descriptives et des univers, des grandes maisons, peuplées de gens tous assez torturés. Enfin, c'est vraiment un univers particulier. Ah, est-ce que, vous, Hélène Faux, vous qui travaillez depuis des années, pour le plaisir d'abord, pour écrire une thèse sur Germaine Beaumont, sur ses romans, sur ses nouvelles, sur ses articles aussi, est-ce qu'il n'y a pas, quelque chose qui vous irrite chez les héroïnes, ou quelque chose qui vous étonne en tout cas, ça peut... Alors quelque chose qui m'a irrité un moment, c'était l'aspect très tranché, c'est-à-dire qu'on avait, c'était presque manichéen. Il y a la gentille héroïne qui va sauver la petite fille perdue, la petite fille aux allumettes, quoi. Et de l'autre côté, ça c'est donc du côté d'où viendra le jour, voilà. Par exemple. Et de l'autre côté, la terreur absolue, la belle-mère atroce qui empoisonne son mari à coups de tilleul chaque soir. À la fois, ça a pu m'irriter par moments parce que j'étais étudiante en lettres. Parce que j'étais étudiante en lettres et que ce caractère très tranché, je le trouvais un petit peu artificiel. Et en même temps... en même temps, il donne de l'épaisseur aussi à ces romans et il leur donne toute leur coloration, en fait, tout leur goût, quoi, toute leur saveur. Et puis, si on donne un tilleul empoisonné à un vieux mari, c'est parce qu'il y a une espèce d'Hippolyte de beau-fils qui vient d'apparaître et qui est quand même beaucoup plus frais que le mari. Oui, et puis en plus, ce que j'aime beaucoup dans ces femmes terribles chez Germaine Beaumont, c'est quand même leur créativité en matière de malfaisance, quoi. Elles sont extraordinaires, elles ont des idées de génie, quoi. Alors, je citais du côté d'où viendra le jour, donc c'est Armand Louven, c'est la fille d'un peintre, enfin, qui a été célèbre, qui est mort, autant que les hommes soient morts, et donc qui vit avec une... Elle a 40 ans, c'est une vieille fille, elle vit avec une mère qui est épouvantable, qui fait la charité, etc., mais qui fait la charité comme on prendrait de la drogue, dit-elle, de l'alcool, enfin, c'est comparable à l'alcoolisme, quoi, enfin bref. Mais vous dites c'est manichéen, mais pas vraiment, parce que cette Armand Louven, elle va vouloir faire la charité, mais elle va choisir quand même, et puis elle va choisir, alors là, on est dans le non-dit, mais elle va prendre une jolie fille, qui dansera nu pour elle, qui voilà. Alors là, vous disiez dans notre premier entretien, Hélène Faux, que l'homosexualité est un petit peu comme ça, discrète, n'est pas dite, mais elle est dite. Mais elle est dite sans être dite, c'est-à-dire que moi j'ai été très étonnée de voir que Piège, qui raconte, donc est le premier roman de Germaine Beaumont publié en 1930, introuvable, mais qui a quand même été prix d'électrice de Minerva, qui est en gros, on pourrait dire, l'ancêtre de Elle de 1930. Ce roman-là raconte l'histoire d'une héroïne qui, suite à un terrible chagrin d'amour, part comme ça à l'aveuglette dans sa voiture, échoue dans le Cotentin, près de Cancale, près d'un manoir qui est tenu par un personnage très énigmatique, qui est un jeune homme très beau, évidemment, qui recueille toutes les âmes perdues comme ça. Et puis, on lit ce roman, et à la fin, il s'avère que ce jeune homme est en fait une jeune femme. À l'époque où je travaillais dans ma thèse sur cette thématique de l'homosexualité, je me disais, c'est quand même très étonnant que dans les années 30, toutes les lectrices, alors qu'on est encore dans une période où on parle de la lecture pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, enfin, il y a des critiques même qui disent que les romans de Germaine Beaumont pourront faire pleurer les jeunes filles et rêver leur mère. Donc j'étais très surprise de voir qu'on saluait et on couronnait ce roman qui, à mots à peine voilés, fait l'éloge des amours homosexuels. Enfin, et toute l'œuvre de Germaine Beaumont tourne autour de ça. C'est-à-dire que dans quasiment tous ses romans, on trouve des jeunes filles abandonnées, alors soit par des hommes atroces, soit par des parents dignes des Thénardier, qui sont recueillis. C'est des gentils, les Thénardier, à côté. oui, c'est vraiment des tendres. Qui sont recueillis par des femmes d'âge mûr, solitaires, elles-mêmes déçues de leur vie amoureuse, les et clés, qui prennent ça, en charge, exemple, voilà, le roman, oui. Frédéric Marchal dans Les Clés, et qui prennent en charge ces jeunes âmes perdues. On a l'impression qu'elle a, pendant toute sa carrière littéraire, été sur le point de dire quelque chose qu'elle n'a pas dit, et que jusqu'au bout, elle ne l'a pas dit. Je pense que Colette, s'emparant du même sujet, aurait été beaucoup plus franche et aurait dit les choses de manière beaucoup plus claire. Je pense aussi à Virginia Woolf dans Orlando, enfin, je veux dire, où Virginia Woolf le dit très clairement. On a une part de féminité, une part de masculinité, etc. Oui, mais là, on est un peu dans le fantastique, l'homme devient femme, ou la femme voilà. devient homme, je veux dire. Tandis que, mais cela dit, par exemple, Proust, alors c'est après sa mort, mais donc Sodome et Gomorrhe est sorti, on peut quand même, comment se fait-il que Germaine Beaumont justement n'ait pas dit, bah voilà, c'est Armand Louven, cela elle le dit, si elle a dit qu'elle folle, c'est une passion pour cette jeune danseuse qui va partir. Dans Les Clés, Frédéric Marchal enfin, une passion aussi pour cette petite jeune fille voilà, qui est presque mourante et qu'elle recueille. L'art irlandaise, c'est deux choses. C'est l'une et la cousine de celle qui est veuve, comme ça. Bon, mais quand même, elle l'amène à la baguette. Il y a beaucoup de relations très, très féminines, très amoureuses. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément par une peur de la morale ou d'un jugement quelconque. Je pense que ça correspond chez Germaine Beaumont à ce qui irrigue son parcours, qui est le goût absolu du secret. C'est-à-dire qu'elle a été très secrète sur sa propre vie sentimentale, elle a été très secrète sur ses propres choix, et donc on cultive ce goût du secret, on dit les choses sans les dire. Germaine Beaumont pourrait être un de ses propres personnages, finalement. Ah oui. Dans une ambiance très feutrée, comme ça, où on ne dit pas les choses clairement, quoi. Cette même Germaine Beaumont, qui, on l'a dit en début de la nuit spéciale Germaine Beaumont, Hélène Faux a donc, pendant des années, depuis 1952 ou 1953, travaillé à la radio nationale. Elle faisait des chroniques dans une émission qui s'appelait Les Jeux du Mystère et du Mystère. Et puis ensuite, elle a créé avec Pierre Billard Les Maîtres du Mystère. Oui. Donc, à la fin des années 50, ça a duré une dizaine d'années, puis elle-même, l'émission s'est scindée en deux. Billard a gardé Les Maîtres du Mystère, elle s'est occupée de Mystère. Voilà, non, Billard a gardé Mystère et Germaine Beaumont a gardé L'Heure du Mystère. En fait, ils n'ont pas gardé le titre, oui, Les Maîtres du Mystère. Ce n'est pas s'entretuer pour ça. Le titre était déjà suffisamment entretué. Ah bon. Donc, alors, moi, je vous posais la question, Hélène Faux, de savoir si certaines héroïnes ou toutes avaient pu, de temps à autre, comme ça, vous irriter. Vous me répondez par la littérature, par le caractère. Moi, il y a quelque chose d'étonnant. Alors, je voudrais que vous trouviez ce qui m'a étonné, mais il n'y a pas de raison que vous trouviez ce qui m'a étonné, moi. Elles sont intelligentes tout le temps. Elles sont intelligentes, elles n'ont pas un goût pour le bonheur extraordinaire, mais enfin bon. Elles comprennent ce qui leur arrive, elles avancent, elles sont courageuses, mais elles ne lisent jamais. C'est vrai. Pourquoi ? Elles ne lisent pas du tout. Je ne saurais absolument pas vous répondre. elles ne lisent pas, elles se contentent déjà de vivre ce qui me semble être une entreprise des plus difficiles pour elles. Donc ça leur prend absolument tout leur temps. Elles vivent pour certaines dans le monde, comme je pense à Nelly Hornebeck dans La Roue d'Infortune ou à Armand Louven. Elles ont des activités de charité, oui, mondaines, etc. Mais c'est vrai qu'elles ne sont absolument pas des femmes lectrices. L'une a dans La Roue d'Infortune, elle a une petite bonne comme ça qui lui lit pendant un quart d'heure. Son mari lui dit, mais vous n'allez pas vous ennuyer cet après-midi? Non, je me ferai lire quelque chose pendant un quart d'heure. Mais comment se fait-il que des créations de Germaine Beaumont n'ont pas cette chance d'aimer la lecture? Parce que vous l'avez dit, parce qu'elles vivent leur roman. Bon. Oui, elles vivent, elles ont une occupation, une activité à plein temps d'héroïne, quoi, finalement. Dans La Roue d'Infortune, le mari, qui n'est pas un méchant homme, lui. Le mari de Nelly Hornebeck. Oui. Non, c'est pas un méchant homme, il est un peu rustique quand même. Oui, bon, bah, oui, mais enfin, il a, oui, oui, c'est vrai que elle est passée de la prison familiale à la prison, voilà, conjugale. Oui. Voilà, visiblement, la nuit de noces n'est pas une grande joie. Ni les nuits suivantes. Il a une formule assez épouvantable. Il dit ce sont les femmes malheureuses qui ont besoin de cultiver les arts pour se distraire. Et elle répond non, ce sont les femmes intelligentes, les femmes douées. Mais pour autant, les héroïnes de Germaine Beaumont ne lisent pas. Alors en même temps, Nelly Hornebeck, elle est quand même celle qui lit un journal intime, qui trouve un journal intime lorsqu'elle part dans sa retraite bretonne. Oui. C'est elle qui l'écrit. Qui écrit ce journal, donc elle pratique quelque chose qui est de l'ordre littéraire, vous voyez, des seules. Elle ne lit pas, mais elle écrit. Elle écrit très bien, du reste. Oui. Et qui va lire son journal intime, à part nous, lecteurs, dans la collection Omnibus, donc dans La Roue d'Infortune, mais un homme qui arrive comme ça en Bretagne par une nuit ou un jour de grand vent, bien entendu. Enfin, on est dans quand même les grands stéréotypes des hauts du Hurlevent et des. Enfin, voilà, le vent souffle et la bruyère s'agite. Et cet homme âgé va lire un journal intime qu'il aurait pu lire beaucoup plus tôt et peut-être serait changé un peu leur vie à l'un et à l'autre. Oui, c'est assez étonnant parce que finalement, là pour le coup, on aurait pu s'attendre chez Germaine Beaumont à ce qu'une femme lise ce journal et c'est un homme qui le lit. Donc peut-être y a-t-il là une passerelle entre le monde des hommes et le monde des femmes. Quels sont vos romans préférés, Hélène Faux, de Germaine Beaumont? Vous n'avez pas passé presque quoi, 15 ans, 20 ans sur l'étudiant. Alors j'aime beaucoup ceux qui ont constitué le premier volume chez Omnibus, L'harpe irlandaise, Les clés, Agnès de Rien, qui ont été sans doute les plus riches, les plus aboutis de ses romans. Ensuite, j'aime énormément aussi la trilogie, que je trouve absolument... S'il sauve ? Oui, S'il sauve, Les Légataires, Le Temps des Lilas, qui est fabuleuse, quoi. Et puis, après, il y a ces deux romans, les deux derniers romans, qui sont très à part. Le Chien dans l'Arbre, publié en 1975 chez Gallimard, et puis Une odeur de trèfle blanc. Le Chien dans l'Arbre, c'est très étonnant. Il est extrêmement moderne dans sa facture. Il est vraiment... D'ailleurs, ça avait été salué à l'époque par Mathieu Gallet, notamment, qui disait que c'était un roman incroyablement moderne, beaucoup plus court que les autres. Dans ces romans, alors donc publiés avec le surtitre Des maisons, des mystères ou Des familles, des secrets, on ne sait jamais vraiment à quelle époque ça se passe. Enfin, on sait que c'est au XXe siècle parce qu'on est en voiture. Bon, on peut téléphoner aussi, mais ça pourrait être, à part ces petits détails finalement, ça pourrait se passer en 1830 quelque part en France ou en Angleterre. Oui, de toute façon, je pense que Germaine Beaumont avait beaucoup de difficultés avec le monde de son temps. Elle ne supportait pas la télévision, elle était l'ennemie du progrès, qui dans la trilogie est incarné quasiment de manière un peu allégorique par un personnage très malfaisant. Germaine Beaumont, je pense, a vécu toute sa vie dans le début du XXe siècle ou la fin du XIXe. C'était vraiment sa période. Je ne crois pas qu'elle ait tellement eu envie d'évoluer avec son temps, quoi. Donc ses romans sont à la rigueur pas très marqués par le temps parce que c'est pas ce qui l'intéressait en fait. Est-ce qu'elle avait lu Proust? Parce que je ne sais pas, du côté d'où viendra le jour, voilà. Il y a la souffrance, la douleur d'Armande, quand la jeune danseuse est partie, on a l'impression de relire le moment où Albertine part et que le narrateur l'apprend de la bouche de Françoise. Alors lui, il fait semblant de... Oui, oui, c'est pas grave, je le savais. Mais enfin bon, c'est vrai... Le monde s'écroule. Alors, je pense, oui, bien sûr qu'elle avait lu Proust. Maintenant, je pense que ces références littéraires se situent plus outre-Manche. Outre-Manche et outre-Atlantique. Oui. Oui, puisque donc, on l'a dit plus tôt, elle a traduit donc Truman Capote. Oui. Elle a surtout traduit Virginia Woolf, qui a été une très, très grande découverte et une grande source d'influence pour elle. C'est manifeste. Elle le raconte dans les entretiens à Roger Vrigny que par hasard, elle posait ses pas là où Virginia Woolf avait posé les siens, que c'était pour elle un signe du destin. Vous voyez, Germaine Beaumont croyait beaucoup à tout ça. Hein, donc, et je pense qu'elle a été extrêmement influencée, nourrie par les écrits de Virginia Woolf, ses manifestes, par cette recherche inlassable d'un point de vue stylistique, du mot juste, de la restitution d'une impression, etc. On sent très clairement dans ses influences littéraires que les influences qu'elle a trouvées jeune femme en Angleterre ont été extrêmement importantes pour elle, extrêmement importantes. On a dit précédemment au cours de cette nuit spéciale Germaine Beaumont, Hélène Faux, que Germaine Beaumont avait traduit aussi Mary Westmacott, donc qui n'est autre qu'Agatha Christie, mais à l'époque on ne le savait pas. Est-ce qu'elle le savait qu'elle traduisait Agatha Christie? Je pense, ouais. Je pense qu'elle était très au fait de la carrière et des écrits d'Agatha Christie. Elle était totalement passionnée. Hein. Elle l'appelait sa chère Agatha. Enfin, oui, on avait l'impression qu'elle parlait d'une vieille amie, quoi. Donc, je pense qu'elle avait une véritable, de toute façon, érudition et connaissance de la littérature anglaise et notamment féminine. C'est vraiment son domaine de prédilection. C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à la collection Le Ruban Noir chez Plon, qui a duré un an et dans lequel elle n'a publié que des textes d'auteurs féminins, de romans policiers. Enfin, c'était traduit que par des femmes. Que vous avez tous lu, Hélène Faux, pour votre thèse. Je n'ai pas tous lu parce que malheureusement, il est assez compliqué de les trouver. Mais je me suis surtout intéressée à la manière dont elle a abordé les choses, pourquoi cette collection, comment c'était arrivé là, etc. Parce que ça correspond vraiment à un tournant de sa vie, en fait. On a l'impression, à ce moment-là, dans les années 50, qu'elle fait quelque chose de son éducation anglaise. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle arrive à la radio pour Les Maîtres du Mystère, elle crée cette collection de romans policiers traduits, elle traduit elle-même, puisque c'est en 58 qu'elle traduit Le Journal d'un écrivain. Donc on a vraiment l'impression que là, elle franchit un cap, il y a une étape dans sa carrière. D'ailleurs, la partie littéraire, purement littéraire et romanesque, cède un peu le pas. Elle se tourne vers autre chose. C'est d'ailleurs ce qui est fabuleux chez cette femme, c'est qu'elle a quand même touché à presque tout ce qui constitue l'activité littéraire. Enfin, elle a fait de la radio, elle a été jurée, elle a fait du journalisme, elle a écrit des romans, elle a écrit de la poésie, c'est assez étonnant de voir une telle variété. Alors ça a été évidemment un peu sans doute au détriment de sa carrière de romancière, puisqu'on ne peut pas tout faire à la fois, même si on est une femme seule. Mais, il y a quand même une vingtaine de titres, ou plus. Il y a une vingtaine de titres, mais on sent bien dans l'évolution qu'il y a des périodes de creux où elle fait autre chose. D'ailleurs, quand on parlait de la trilogie et de la difficulté à écrire cette trilogie, on sent bien qu'elle est prise par d'autres choses aussi. Elle le dit dans ses lettres, que son émission lui prend énormément de temps, que c'est très compliqué. Elle commande des auteurs, des textes. Voilà. C'est un travail énorme. Donc ça a été effectivement sans doute compliqué pour elle. Puis le féminin lui prenait énormément de temps aussi. Fallait lire tout ce qu'elle avait à lire, fallait préparer, et d'après ce que j'ai vu et entendu, elle le préparait de manière extrêmement minutieuse, les séances au féminin. Elle était redoutable, hein. Elle claquait la porte, elle repartait, il fallait le négocier, elle revenait, il y avait tout un travail très théâtral en plus, en tant que jurée, hein. Elle démolissait littéralement certains des livres qui étaient en lice et ensuite elle défendait avec une férocité, une volonté de gagner incroyable au détriment de certaines de ses consoeurs, les livres pour lesquels elle se battait férocement. Vous n'avez pas trouvé, Hélène Faux, un inédit à Montfort-l'Amaury, dans cette maison que vous êtes allé visiter longtemps, souvent pour écrire votre maîtrise puis votre thèse? Il y a des choses qui n'ont pas été publiées, mais vous savez, elle vivait dans des monceaux d'archives incroyables dans lesquels, cartons entiers dans lesquels ses chats logeaient en plus. Donc il reste encore à écrire un roman. Je suis sûr que vous allez le faire, Hélène Faux. Bon, en attendant, nous, on va continuer avec Germaine Beaumont, ses entretiens avec Roger Vrigny, mais avant cela, on va écouter une nouvelle que je trouve assez nabokovienne, assez cruelle.